Rhapsodie 3. Quand tous, de chaque côté, se furent rangés sous leur chef, les Troyens s'avancèrent, pleins de clameurs et de bruits, comme des oiseaux. Ainsi le cri des grues monte dans l'air quand, fuyant l'hiver et les pluies abondantes, elles volent sur les flots d'Okeanos, portant le massacre et la guerre de la mort aux Pygmées, et elles livrent dans l'air un rude combat. Mais les Achaïens allaient en silence, respirant la force, et dans leur cœur désirant s'entre-aider. Comme le Notos enveloppe les hauteurs de la montagne d'un brouillard odieux aux bergers, et plus propice aux voleurs que la nuit même, de sorte qu'on ne peut voir au-delà d'une pierre qu'on a jetée, de même une noire poussière montait sous les pieds de ceux qui marchaient, et ils traversaient rapidement la plaine. Et quand ils furent proches les uns des autres, le divin Alexandros apparut en tête des Troyens, ayant une peau de léopard sur les épaules, et l'arc recourbé, et l'épée. Et, agitant de pique d'airain, il appelait les plus braves des Argiens à combattre un rude combat. Et dès que Ménélaos, cher à Arès, l'eut aperçu qui devançait l'armée et qui marchait à grands pas, comme un lion se réjouit quand il a faim de rencontrer un cerf cornu ou une chèvre sauvage et dévore sa proie, bien que les chiens agiles et les ardents jeunes hommes le poursuivent, de même Ménélaos se réjouit quand il vit devant lui le divin Alexandros. Et il espéra se venger de celui qui l'avait outragé, et il sauta du char avec ses armes. Et dès que le divin Alexandros l'eut aperçu en tête de l'armée, son cœur se serra, et il recula parmi les siens pour éviter la guerre de la mort. Si quelqu'un dans les gorges des montagnes voit un serpent, il saute en arrière, et ses genoux tremblent, et ses joues pâlissent. De même, le divin Alexandros, craignant le fils d'Atréus, rentra dans la foule des hardis Troyens. Et Hector, l'ayant vu, l'accabla de paroles amères. « Misérable Paris, qui n'a que ta beauté, trompeur et efféminé, plutôt Dieu que tu ne fusses point né, ou que tu fusses mort avant tes dernières noces. Certes, cela eût mieux valu de beaucoup, plutôt que d'être l'opprobre et la risée de tous. Voici que les Achaïens chevelus rient de mépris, car ils croyaient que tu combattais hardiment hors des rangs, parce que ton visage est beau. Mais il n'y a dans ton cœur ni force, ni courage. Pourquoi, étant un lâche, as-tu traversé la mer sur tes nefs rapides, avec tes meilleurs compagnons, et mêlé à des étrangers, as-tu enlevé une très belle jeune femme du pays d'Api, parente d'hommes belliqueux? Immense malheur pour ton père, pour ta ville et pour tout le peuple. Joie pour nos ennemis et honte pour toi-même. Et tu n'as point osé attendre Ménélaos, cher à Arès. Tu saurais maintenant de quel guerrier tu retiens la femme. Ni ta guitare, ni les dons d'Aphrodite, ta chevelure et ta beauté ne t'auraient sauvé d'être traîné dans la poussière. Mais les Troyens ont trop de respect, car autrement tu serais déjà revêtu d'une tunique de pierre pour prix des maux que tu as causés. Et le divin Alexandros lui répondit, « Hector, tu m'as réprimé justement. Ton cœur est toujours indompté, comme la hache qui fend le bois et accroît la force de l'ouvrier constructeur de nefs. Telle est l'âme indomptée qui est dans ta poitrine. Ne me reproche point les dons aimables d'Aphrodite et d'or. Il ne faut point rejeter les dons glorieux des dieux, car eux seuls en disposent, et nul ne les pourrait prendre à son gré. Mais si tu veux maintenant que je combatte et que je lutte, arrête les Troyens et les Achaïens, afin que nous combattions, moi et Ménélaos, cher à Arès, au milieu de tous, pour Hélénée et pour toutes ses richesses. Et le vainqueur emportera cette femme et toutes ses richesses, et, après avoir échangé des serments inviolables, vous, Troyens, habiterez la féconde Troie, et les Achaïens retourneront dans Argos, nourrices de chevaux, et dans la Caillée aux belles femmes. » Il parla ainsi, et Hector en eut une grande joie. Il s'avança, arrêtant les phalanges des Troyens à l'aide de sa pique qu'il tenait par le milieu. Ils s'arrêtèrent, et les Achaïens chevelus tiraient sur lui et le frappaient de flèches et de pierres. Mais le roi des hommes, Agamemnon, cria à voix haute, « Arrêtez, Argiens, ne frappez point, fils des Achaïens. Hector, au casque mouvant, semble vouloir dire quelques mots. » Il parla ainsi, et ils cessèrent et firent silence. Et Hector parla au milieu d'eux. « Écoutez, Troyens et Achaïens, ce que dit Alexandros qui causa cette guerre. Il désire que les Troyens et les Achaïens déposent leurs belles armes sur la terre nourricière, et que lui et Ménélaos, cher à Arès, combattent, seuls, au milieu de tous, pour Héléné et pour toutes ses richesses. Et le vainqueur emportera cette femme et toutes ses richesses, et nous échangerons des serments inviolables. » Il parla ainsi, et tous restèrent silencieux. Et Ménélaos, hardi au combat, leur dit « Écoutez-moi maintenant, une grande douleur serre mon cœur, et j'espère que les Argiens et les Troyens vont cesser la guerre, car vous avez subi des maux infinis pour ma querelle et pour l'injure que m'a faite Alexandros. Que celui des deux à qui sont réservés la moire et la mort meure donc, et vous cessez aussitôt de combattre. Apportez un agneau noir pour Gaïa et un agneau blanc pour Hélios, et nous en apporterons autant pour Zeus. Et vous amènerez Priamos lui-même pour qu'il se lie par des serments, car ses enfants sont par jures et sans foi, et que personne ne puisse violer les serments de Zeus. » L'esprit des jeunes hommes est léger, mais dans ses actions, le vieillard regarde à la fois l'avenir et le passé, et agit avec équité. Il parla ainsi, et les Troyens et les Achaïens se réjouirent, espérant mettre fin à la guerre mauvaise. Ils retinrent les chevaux dans les rangs, et ils se dépouillèrent de leurs armes déposées sur la terre. Il y avait peu d'espace entre les deux armées, et Hector envoya deux héros à la ville pour apporter deux agneaux, et appeler Priamos. Et le roi Agamemnon envoya Taltibios aux nefs creuses pour y prendre un agneau, et Taltibios obéit au divin Agamemnon. Et la messagère Iris s'envola chez Héléné au bras blanc, s'étant faite semblable à sa belle-sœur Laodiké, la plus belle des filles de Priamos, et qu'avait épousée l'anténoride Hélicaon. Et elle trouva Héléné dans sa demeure, tissant une grande toile double, blanche comme le marbre, et y retraçant les nombreuses batailles que les Troyens dompteurs de chevaux et les Achaïens revêtus d'airain avaient subies pour elle par les mains d'Arès. Et Iris, au pied léger, s'étant approchée, lui dit « Viens, chère nymphe, voir le spectacle admirable des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaïens revêtus d'airain. Ils combattaient tantôt dans la plaine, plein de la fureur d'Arès. » Et les voici maintenant assis en silence, appuyés sur leurs boucliers. Et la guerre a cessé, et les piques sont enfoncées en terre. Alexandros et Ménélaos, chers à Arès, combattront pour toi de leurs longues piques, et tu seras l'épouse bien-aimée du vainqueur. » Et la déesse, ayant ainsi parlé, jeta dans son cœur un doux souvenir de son premier mari, et de son pays, et de ses parents. Et Héléné, s'étant couverte aussitôt de voile blanc, sortit de la chambre nuptiale en pleurant, et deux femmes la suivaient, Aïtrée, fille de Pythéus, et Climénée, aux yeux de bœuf. Et voici qu'elles arrivèrent aux portes squées. Priamos, Pantoos, Timoïtès, Lampos, Clytios, Iquitaon, nourrisson d'Arès, Oukalégon et Anténor, très sages tous deux, siégeaient, vieillards vénérables, au-dessus des portes squées. Et la vieillesse les écartait de la guerre, mais c'étaient d'excellents agorettes. Ils étaient pareils à des cigales qui, dans les bois, assises sur un arbre, élèvent leur voix mélodieuse. Tels étaient les princes des Troyens, assis sur la tour. Et quand ils virent Héléné qui montait vers eux, ils se dirent les uns aux autres, et à voix basse, ces paroles ailées. Certes, il est juste que les Troyens et les Achaïens, au bel Cnémide, subissent tant de maux, et depuis si longtemps, pour une telle femme, car elle ressemble aux déesses immortelles par sa beauté. Mais, malgré cela, qu'elle s'en retourne sur ses nefs, et qu'elle ne nous laisse point, à nous et à nos enfants, un souvenir misérable. » Et il parlait ainsi, et Priamos appela Héléné. « Viens, cher enfant, approche, assieds-toi auprès de moi, afin de revoir ton premier mari, et tes parents, et tes amis. Tu n'es point la cause de nos malheurs. Ce sont les dieux seuls qui m'ont accablé de cette rude guerre à Cayenne. Dis-moi le nom de ce guerrier d'une haute stature. Quel est cet Achaïen grand et vigoureux? D'autres ont une taille plus élevée, mais je n'ai jamais vu de mes yeux un homme aussi beau et majestueux. Il a l'aspect d'un roi. » Et Héléné, la divine femme, lui répondit, « Tu m'es vénérable et redoutable, père bien-aimé. Que n'ai-je subi la noire mort quand j'ai suivi ton fils, abandonnant ma chambre nuptiale et ma fille née en mon pays lointain, et mes frères et les chères compagnes de ma jeunesse? mais telle n'a point été ma destinée, et c'est pour cela que je me consume en pleurant. Je te dirai ce que tu m'as demandé. Cet homme est le roi Agamemnon Atréide, qui commande au loin, roi habile et brave guerrier. Il fut mon beau-frère, à moi infâme, s'il m'est permis de dire qu'il le fut. » Elle parla ainsi, et le vieillard, plein d'admiration, s'écria, « Ô heureuse Atréide, née pour d'heureuses destinées, certes, de nombreux fils des Achaïens te sont soumis. Autrefois, dans la Phrygie féconde en vigne, j'ai vu de nombreux Phrygiens, habiles cavaliers, tribus belliqueuses d'Otréus et de Mygdon, égales aux dieux, et qui étaient campés sur les bords du Sangarios. Et j'étais au milieu d'eux, étant leur allié, quand vinrent les Amazones viriles. Mais ils n'étaient point aussi nombreux que les Achaïens aux yeux noirs. » Puis, ayant vu Odysseus, le vieillard interrogea et l'aîné. « Dis-moi aussi, cher enfant, qui est celui-ci ? Il est moins grand que l'Atréide Agamemnon, mais plus large des épaules et de la poitrine. Et ses armes sont couchées sur la terre nourricière, et il marche parmi les hommes comme un bélier chargé de laine au milieu d'un grand troupeau de brebis blanches. » Et l'aînée, fille de Zeus, lui répondit, « Celui-ci est le subtil Aertia d'Odysseus, nourri dans le pays stérile d'Ithaqué, et il est plein de ruses et de prudence. » Et le sage Anténor lui répondit, « Ô femme, tu as dit une parole vraie. Le divin Odysseus vint autrefois ici, envoyé pour toi, avec Ménélaos, cher à Arès, et je l'ai reçu dans mes demeures, et j'ai appris à connaître leur aspect et leur sagesse. Quand il venait à l'agora des Troyens, debout, Ménélaos surpassait Odysseus des épaules, mais assis, le plus majestueux était Odysseus. Et quand ils haranguaient devant tous, certes, Ménélaos, bien que le plus jeune, parlait avec force et concision, en peu de mots, mais avec une clarté précise et allant droit au but. Et quand le subtil Odysseus se levait, il se tenait immobile, les yeux baissés, n'agitant le sceptre ni en avant ni en arrière comme un agorète inexpérimenté. On eût dit qu'il était plein d'une sombre colère et tel qu'un insensé. Mais quand il exhalait de sa poitrine sa voix sonore, ses paroles pleuvaient, semblables aux neiges de l'hiver. En ce moment, nul n'aurait osé lutter contre lui. Mais, au premier aspect, nous ne l'admirions pas autant. Ayant vu Aias une troisième fois, le vieillard interrogea et l'aîné, « Qui est cet autre guerrier achaïen, grand et athlétique, qui surpasse tous les Argiens de la tête et des épaules ?» Et l'aîné, au long péplos, la divine femme, lui répondit, « Celui-ci est le grand Aias, le bouclier des Achaïens. Et voici parmi les Crétois Idoménéus tel qu'un dieu, et les princes crétois l'environnent. Souvent Ménélaos, cher à Arès, le reçut dans nos demeures, quand il venait de la Crétée. Et voici tous les autres Achaïens aux yeux noirs, et je les reconnais, et je pourrais dire leurs noms. Mais je ne vois point les deux princes des peuples, Castor, dompteur de chevaux, et Polydeucès, invincible au pugilat, mes propres frères, car une même mère nous a enfantés. N'aurait-il point quitté l'heureuse Lacédaïmon, ou, s'ils sont venus sur leur nef rapide, ne veut-il point se montrer au milieu des hommes à cause de ma honte et de mon opprobre ?» Elle parla ainsi, mais déjà la terre féconde les renfermait, à Lacédaïmon, dans la chère patrie. Et les héros, à travers la ville, portaient les gages sincères des dieux, deux agneaux, et, dans une outre de peau de chèvre, le vin joyeux, fruit de la terre. Et le héros Idaios portait un cratère étincelant et des coupes d'or, et, s'approchant, il excita le vieillard par ses paroles. « Lève-toi, Laomédontiade, les princes des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaïens revêtus d'airain t'invitent à descendre dans la plaine, afin que vous échangiez des serments inviolables. Et Alexandros et Ménélaos, chers à Arès, combattront pour Hélénée avec leurs longues piques, et ses richesses appartiendront aux vainqueurs. Et tous, ayant fait alliance et échangé des serments inviolables, nous, Troyens, habiterons la féconde Troie, et les Achaïens retourneront dans Argos nourrice de chevaux et dans l'Achaïe aux belles femmes. » Il parla ainsi, et le vieillard frémit, et il ordonna à ses compagnons d'atteler les chevaux, et ils obéirent promptement. Et Priamos monta tenant les rênes, et auprès de lui Anténor entra dans le bouchard, et par les portes Scaé, tous deux poussèrent les chevaux agiles dans la plaine. et quand ils furent arrivés au milieu des Troyens et des Achaïens, ils descendirent du char sur la terre nourricière et se placèrent au milieu des Troyens et des Achaïens. Et aussitôt le roi des hommes Agamemnon se leva, ainsi que le subtil Odysseus. Puis les héros vénérables réunirent les gages sincères des dieux, mêlant le vin dans le cratère et versant de l'eau sur les mains des rois. Et l'Atréide Agamemnon, tirant le couteau toujours suspendu à côté de la grande gaine de l'épée, coupa du poil sur la tête des agneaux, et les héros le distribuèrent aux princes des Troyens et des Achaïens. Et au milieu d'eux, l'Atréide pria à haute voix, les mains étendues, « Père Zeus, qui commande du haut de l'Ida, très glorieux, très grand, Hélios qui voit et entend tout, fleuves et Gaïa, et vous qui sous la terre, châtiez les parjures. Soyez tous témoins, scellez nos serments inviolables. Si Alexandros tu Ménéalos, qu'il garde Hélénée et toutes ses richesses, et nous retournerons sur nos nefs rapides. Mais si le blond Ménélaos tue Alexandros, que les Troyens rendent Hélénée et toutes ses richesses, et qu'ils payent aux Argiens, comme il est juste, un tribut dont se souviendront les hommes futurs. Mais si, Alexandros mort, Priamos et les fils de Priamos refusaient de payer ce tribut, je resterai et combattrai pour ceci, jusqu'à ce que je termine la guerre. » Il parla ainsi, et, de l'airain cruel, il trancha la gorge des agneaux et les jeta palpitants sur la terre et rendant l'âme, car l'airain leur avait enlevé la vie. Et tous, puisant le vin du cratère avec des coupes, ils le répandirent et prièrent les dieux qui vivent toujours. Et les Troyens et les Achaïens disaient « Zeus, très glorieux, très grand, et vous, dieux immortels, que la cervelle de celui qui violera le premier ce serment et la cervelle de ses fils soit répandue sur la terre comme ce vin, et que leurs femmes soient outragées par autrui. » Mais le Cronion ne les exauça point. Et le Dardanide Priamos parla et leur dit, « Écoutez-moi, Troyens et Achaïens au bel Cnémide, je retourne vers la hauteur d'Ilios, car je ne saurais voir de mes yeux mon fils bien-aimé lutter contre Ménélaos, cher à Arès. Zeus et les dieux immortels savent seuls auquel des deux est réservée la mort. » Ayant ainsi parlé, le divin vieillard plaça les agneaux dans le char, y monta et saisit les rênes. Et Anténor, auprès de lui, entra dans le bouchard, ils retournèrent vers Ilios. Et le Priamide Hector et le divin Odysseus mesurèrent l'arène d'abord, et remuèrent les sorts dans un casque, pour savoir qui lancerait le premier la pique d'airain. Et les peuples priaient, et levaient les mains vers les dieux, et les Troyens et les Achaïens disaient, « Père Zeus, qui commande, ô haut de l'Ida, très glorieux, très grand, que celui qui nous a causé tant de maux descende chez Aïdès, et puissions-nous sceller une alliance et des traités inviolables. » Ils parlèrent ainsi, et le grand Hector, au casque mouvant, agita les sorts en détournant les yeux, et celui de Paris sortit le premier. Et tous s'assirent en rang, chacun auprès de ses chevaux agiles et de ses armes éclatantes. Et le divin Alexandros, l'époux de Hélénée, aux beaux cheveux, couvrit ses épaules de ses belles armes. Et il mit autour de ses jambes ses belles cnémides aux agrafes d'argent, et sur sa poitrine la cuirasse de son frère Lycaon, faite à sa taille. Et il suspendit à ses épaules l'épée d'airain aux clous d'argent. Puis il prit le bouclier vaste et lourd, et il mit sur sa tête guerrière un riche casque orné de crin, et ce panache s'agitait fièrement. Il saisit une forte pique faite pour ses mains, et le brave Ménélaos se couvrit aussi de ses armes. Tous deux, s'étant armés, avancèrent au milieu des Troyens et des Achaïens, se jetant de sombres regards. Et les Troyens, dompteurs de chevaux, et les Achaïens, aux belles cnémides, les regardaient avec terreur. Ils s'arrêtèrent en face l'un de l'autre, agitant les piques, et pleins de fureur. Et Alexandros lança le premier sa longue pique, et frappa le bouclier poli de l'Atréide. Mais il ne perça point les reins, et la pointe se ploya sur le dur bouclier. Et Ménélaos, levant sa pique, supplia le père Zeus. « Père Zeus, fais que je punisse le divin Alexandros, qui le premier m'a outragé, et fais qu'il tombe sous mes mains, afin que parmi les hommes futurs, chacun tremble d'outrager l'hôte qu'il aura reçu avec bienveillance. » Ayant parlé ainsi, il brandit sa longue pique, et, la lançant, il en frappa le bouclier poli du Priamide. et la forte pique, à travers le bouclier éclatant, perça la riche cuirasse et déchira la tunique auprès du flanc. Et Alexandros, se courbant, évita la noire caire, et l'Atréide, ayant tiré l'épée au clou d'argent, en frappa le cône du casque. Mais l'épée, rompue en trois ou quatre morceaux, tomba de sa main, et l'Atréide gémit en regardant le vaste Ouranos. « Père Zeus, nul d'entre les dieux n'est plus inexorable que toi. Certes, j'espérais me venger de l'outrage d'Alexandros. Et l'épée s'est rompue dans ma main, et la pique a été vainement lancée, et je ne l'ai point frappée. » Il parla ainsi, et d'un bond, il le saisit par l'écrin du casque, et il le traîna vers les Achaïens au Belcnémide. Et le cuir habilement orné qui liait le casque sous le menton étouffait le cou délicat d'Alexandros. Et l'Atréide l'eût traîné et eût remporté une grande gloire si la fille de Zeus, Aphrodite, ayant vu cela, n'eût rompu le cuir de bœuf. Et le casque, vide, suivit la main musculeuse de Ménélaos. Et celui-ci le fit tournoyer et le jeta au milieu des Achaïens au Belcnémide. Et ses chers compagnons l'emportèrent. Puis il se rua de nouveau, désirant tuer le Priamide de sa pique d'airain. Mais Aphrodite, étant déesse, enleva très facilement Alexandros en l'enveloppant d'une nuée épaisse, et elle le déposa dans sa chambre nuptiale, sur son lit parfumé. Et elle sortit pour appeler Hélène, qu'elle trouva sur la haute tour au milieu de la foule des Troyennes. Et la divine Aphrodite, s'étant faite semblable à une vieille femme habile à tisser la laine, et qui la tissait pour Hélène dans la populeuse Lacédaïmon, et qui aimait Hélène, saisit celle-ci par sa robe nectaréenne et lui dit « Viens, Alexandros t'invite à revenir. Il est couché, plein de beauté et richement vêtu, sur son lit habilement travaillé. Tu ne dirais point qu'il vient de lutter contre un homme, mais tu croirais qu'il va aux danses ou qu'il repose au retour des danses. » Elle parla ainsi et elle troubla le cœur de Hélène. Mais dès que celle-ci eut vu le beau cou de la déesse et son sein d'où naissent les désirs, et ses yeux éclatants, elle fut saisie de terreur, et, la nommant de son nom, elle lui dit « Ô mauvaise, pourquoi veux-tu me tromper encore? Me conduiras-tu dans quelque autre ville populeuse de la Phrygie ou de l'heureuse Maïonier, si un homme qui t'est cher y habite? Est-ce parce que Ménélaos, ayant vaincu le divin Alexandros, veut m'emmener dans ses demeures, moi qui me suis odieuse, que tu viens de nouveau me tendre des pièges? Va plutôt, abandonne la demeure des dieux, ne retourne plus dans l'Olympos, et reste auprès de lui, toujours inquiète, et prends-le sous ta garde, jusqu'à ce qu'il fasse de toi sa femme ou son esclave. Pour moi, je n'irai plus orner son lit, car ce serait trop de honte, et toutes les Troyennes me blâmeraient, et j'ai trop d'amers chagrins dans le cœur. » Et la divine Aphrodite, pleine de colère, lui dit « Malheureuse, crains de m'irriter, de peur que je t'abandonne dans ma colère, et que je te haïsse autant que je t'ai aimé, et que, jetant des haines inexorables entre les Troyens et les Achaïens, je te fasse périr d'une mort violente. » Elle parla ainsi, et Hélène, fille de Zeus, fut saisie de terreur, et couverte de sa robe éclatante de blancheur, elle marcha en silence, s'éloignant des Troyennes, sur les pas de la déesse. Et quand elles furent parvenues à la belle demeure d'Alexandros, toutes les servantes se mirent à leur tâche, et la divine femme monta dans la haute chambre nuptiale. Aphrodite, qui aime les sourires, avança un siège pour elle auprès d'Alexandros. Et Hélène, fille de Zeus tempétueux, s'y assit en détournant les yeux. Mais elle adressa ses reproches à son époux. « Te voici revenu du combat. Que n'y resterais-tu mort et dompté par l'homme brave qui fut mon premier mari? Ne te vantais-tu pas de l'emporter sur Ménélaos, cher à Arès, par ton courage, par ta force et par ta lance? Va, défie encore Ménélaos, cher à Arès, et combat de nouveau contre lui. Mais non, je te conseille plutôt de ne plus lutter contre le bon Ménélaos, de peur qu'il te dompe aussitôt de sa lance. » Et Paris, lui répondant, parla ainsi. « Femme, ne blesse pas mon cœur par d'amères paroles. Il est vrai, Ménélaos m'a vaincu à l'aide d'Athénée, mais je le vaincrai plus tard, car nous avons aussi des dieux qui nous sont amis. Viens, couchons-nous et aimons-nous. Jamais le désir ne m'a brûlé ainsi, même lorsque, naviguant sur mes nefs rapides, après t'avoir enlevé de l'heureuse Lacédaïmon, je m'unis d'amour avec toi dans l'île de Cranae, tant je t'aime maintenant et suis saisi de désir. » Il parla ainsi, et marcha vers son lit, et l'épouse le suivit, et ils se couchèrent dans le lit bien construit. Cependant l'Atréide courait comme une bête féroce au travers de la foule, cherchant le divin Alexandros, et nul des Troyens ni des illustres alliés ne put montrer Alexandros à Ménaléos, cher à Arès. Et certes, s'il l'avait vu, il ne l'aurait point caché, car ils le haïssaient tous comme la noire Caire. Et le roi des hommes, Agamemnon, leur parla ainsi. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés. La victoire, certes, est à Ménaléos, cher à Arès. Rendez-nous donc l'Argienne à l'aîné et ses richesses, et payez, comme il est juste, un tribut dont se souviendront les hommes futurs. » L'Atréide parla ainsi, et tous les Achaïens applaudirent.